Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 21 août 1916. Pour ma collection. En face des forces primordiales de la vie, toutes les belles paroles sur un développement conduisant au-delà de la nature se révèlent inefficaces. Essai contre la monogamie.